Alors aujourd'hui, je vais envoyer une pantoufle dans la gueule de Da Vinci Code. Le bouquin, hein, parce que le film ne mérite même pas une minute de pantoufle. Vous êtes prêts ? Ouais, ouais. C'est ouais. Parti. Dans ce roman, il n'y a aucune psychologie de personnage, aucune profondeur, ni consistance, ni charisme chez les héros. L'histoire se résume à un banal jeu de piste genre Fort Boyard ou goûter d'anniversaire de mes 8 ans. Il faut trouver un objet, cet objet a un énigme niveau Bac-3 avant Jésus-Christ, dont la résolution amène à la découverte de l'objet qui contient une nouvelle énigme façon Picsou-Mag, du genre le texte est à l'envers, tous les lecteurs le voient sauf le héros. Heureusement, il s'en aperçoit 30 pages plus loin et là c'est le drame. Il n'a pas de miroir. Pas un seul frisson dans les moments qui sont supposés être du suspense, révélation soit inutile, soit complètement ridicule, prévisible et convenue. Cerise sur le gâteau, l'auteur commence son roman en assurant la véracité de celui-ci. Attendez, une touche de gueule ésotérique absolue, le mec a basé son bouquin sur des rumeurs conspirationnistes quand même, hein. Donc on vient de démontrer que le fond était moisi, parlons de la forme. La narration est pauvre et pathétique, les chapitres sont courts, ce qui donne un style haché qui peine à être rythmé. C'est aussi lassant et fatigant que de courir après un train. Ce livre est une catastrophe, une escroquerie même. Un rouleau de PQ a plus de valeur que les pages de ce bouquin. Oh, une minute, moi je note que ça. Une minute, elle le fait, elle fait le taf, elle est là, bim bim. Elle te détruit un bordel en une minute.